Bien, messieurs, on va passer aux deuxièmes invités ES de l'émission. Les 30 ans des Ultramarines, dimanche soir 21h, Bordeaux-Marseille. Qui veut se lancer en premier déjà pour présenter un petit peu, allez, sans, évidemment sans dévoiler ce qui va se passer, mais grosso modo le déroulé de la journée. Si, allez, qui veut se lancer? Flo, Jus, Pierre, Thibaut. Qui se lance? Thibaut, allez. Le déroulé de la journée. Allez, rapido. Déroulé de la journée. Grosso modo, qu'est-ce qui va se passer? Les gens qui vont venir au stade demain, qu'est-ce qui... Du coup, pour dimanche, parce que c'est la seule chose dont on parle. Ouais. Du coup, le matin, on se retrouve entre membres actifs et initiés. Ensuite, après, c'est rendez-vous à notre local. Donc là, bah, c'est ouvert à tous les supporters des Girondins qui sont les bienvenus. Puis ensuite, il y a surtout rendez-vous à 17h30 au rond-point Marie-Pelle. C'est le rond-point qui est à côté du fast-food et de l'Arte, à la sortie du pont d'Aquitaine. Donc notre cortège passera par là. Donc c'est rendez-vous avec tous les supporters des Girondins pour aller jusqu'au stade, donc en procession, hein, tous ensemble. Ensuite, il faut rentrer le plus tôt possible dans le stade. Donc les grilles vont ouvrir à 19h, comme habituellement avant, pour un match qui est à 21h, 2h avant le coup d'envoi. Et donc il faut se dépêcher de rentrer et d'aller à sa place dans le virage sud. Il ne faut absolument pas rester dans les escaliers. Et puis à partir de 20h30, les animations vont commencer. Et voilà, on sollicitera l'aide de chacun d'entre vous. Avant, il faut acheter la nouvelle écharpe. Avant, vous pouvez acheter la nouvelle écharpe à la table de vente. Vous pouvez acheter la nouvelle écharpe à la table de vente. Entre autres, effectivement. On va rentrer dans les détails un petit peu plus techniques. Alors bon, pour ceux qui ne le sauraient pas encore, combien de la question traditionnelle qu'on vous pose partout, combien de temps ça représente de préparer les 30 ans d'un groupe? Plusieurs mois. Plusieurs mois, mais comme on a une team, une équipe qui prépare les tifos et qui fait les tifos, que je me permets de saluer une nouvelle fois à ce micro, qui est très très performante, ça représente de nombreux mois de débats et de réflexions en interne et en réunion directoire entre chaque génération pour décider des animations et de ce que l'on va faire de cette journée-là et des tifos pour cette journée-là. Et après, ça représente plusieurs mois de travail en amont pour commander, quantifier le tissu, la peinture, le plastique, les feuilles, voilà, toutes les matières. Et après, on va dire que là, on en a eu pour un mois et demi de réalisation. Par contre, à temps plein. C'est un mois et demi, 24 heures sur 24, avec des gens qui peignent toute la journée, avec des gens qui y sont toute la journée. Voilà, avec des gens qui sont le lendemain des matchs, quand on rentre de déplacement, voilà. Alors pour résumer, c'est plusieurs mois de travail, plusieurs années de préparation pour y réfléchir et pour mettre en place le financement. Et après la réalisation en elle-même, c'est un mois et demi, 2 mois, H24. C'est à peu près ça. Et donc qui tape le plus fort pour la discussion, puisque ça avait l'air d'être un peu animé? Non, généralement, vous trouvez des consensus assez facilement ou les débats sont... Non, il y a une... notre groupe, il est divisé en différents secteurs de responsabilité. Il y a une équipe Tifo. C'est pas sur les Tifo qu'on se fâche le plus. Voilà, honnêtement, il y a une équipe Tifo avec des gens très performants à l'intérieur d'elle, issus de toutes les générations du groupe, des plus anciens aux plus jeunes. Et on présente de nombreuses idées, souvent déjà très abouties. Cassion et moi-même sommes dans cette équipe, donc voilà, avec de nombreux autres membres de notre groupe, on présente de nombreuses idées. C'est souvent accepté, voilà. Sans aucune prétention, je pense qu'on a un bon style antifo, donc voilà. Et puis c'est, comment dire, c'est la chasse gardée de grands artistes, quoi. Enfin moi personnellement. Ce qui va être fait dimanche tout en laissant une très très grande part de mystère, ça me dépasse totalement. Enfin, c'est vraiment une création artistique. Donc finalement, ça concerne très peu de grands créateurs qui mettent ça en place et qui ont leurs idées. Et c'est pas là où on a le plus de débats, quoi. C'est plus sur des sujets de fond. C'est pas sur les tifos qu'on se fâche le plus, ça c'est sûr. Oui, non, ça c'est clair. Ouais. Parce qu'on a tendance à croire, enfin pour les gens qui sauraient pas trop ou qui viennent pas suffisamment au stade, parce que de ce qu'on a dit avant l'émission, combien 38 000, c'est ça ? 38 millions. Voilà, donc ça fait 18 000 qui sont pas là le reste de l'année. Allez savoir. C'est pas seulement un tifo, c'est pas seulement un quart d'heure ou 10 minutes ou 5 minutes voilà, d'animation à l'entrée des joueurs. C'est pour les plus simples. Enfin, on a l'habitude, pour les plus simples, entre guillemets, ceux qui demandent le moins de travail, c'est déjà quand même pas mal de temps, mais pour un truc comme ça, c'est clair que c'est des mois et des mois et des mois. Et comme disait Thibaut, comment on va le faire, avec qui on va le faire, est-ce qu'il faut, alors maintenant dans les nouveaux stades, sûrement des autorisations, des... Il faut préparer le financement, voilà. Après il faut acheter le matos, après il faut trouver le lieu pour le faire. Vous avez pu voir qu'à un moment donné, on avait du mal à trouver un hangar. Et puis après, une fois que tout est en place, ça déroule parce que les mecs, ils sont tout le temps. Là, il y avait des gars qui dormaient, qui sont passés des semaines et des mois en entier. Et voilà. Mais il y a toute une préparation en amont qui est vachement longue, quoi, avec le financement. Ça fait des années et des années qu'on met de l'argent de côté pour les 30 ans. Moi, j'avais une question plus basée sur la collaboration avec le club. C'est au niveau du club. Ça c'est le micro maudit, mon gars. Il y a deux semaines il marchait pas mais il tenait. Et là il marche mais il tient pas. Attends, je vais. Vas-y, trifouille-le. Et du coup au niveau du club, comment ça s'est passé pour l'élaboration du tifo et toutes les animations qu'il y aura? Et comment ça s'est déroulé depuis le début que Martin est président? Les relations, est-ce que ça s'est passé? Alors plusieurs questions. Ouais, parce que pour la collaboration. Par rapport au TIFO, ça c'est la première question. Donc pour la collaboration par rapport au TIFO, on travaille en étroite collaboration avec David Lafarge, qui est le responsable sécurité du club, à qui on a présenté le projet de notre TIFO une fois qu'on l'avait validé. On lui a présenté le projet en lui expliquant, parce qu'en présentant ce projet, on sait déjà ce qu'on doit demander comme autorisation et à quel endroit on sait que le club va avoir besoin de l'aide du club. Donc on lui présente on monte les projets ensemble et David travaille avec nous main dans la main pour qu'on obtienne les choses dont on a besoin pour pouvoir réaliser notre animation. Du coup, à ce niveau-là, ça n'a pas vraiment changé vu que David est toujours au club, il a toujours été au club, du coup ça n'a pas vraiment changé. Exactement, depuis pas loin d'une vingtaine d'années, depuis que David Lafarge est en place, on fonctionne à peu près de la même manière. C'est-à-dire qu'il y a une vraie indépendance financière auquel on tient plus que tout. Mais après... on est obligé et avec plaisir d'ailleurs, de collaborer avec David, avec les stadiers, puis avec la direction du club pour mettre les choses en place, surtout quand elle demande une telle organisation. Là, sur le cas du Tifo de dimanche, il a fallu aussi discuter avec SBA, qui est propriétaire du stade. Il a fallu avoir certaines autorisations qu'on n'a pas forcément eues sur le moment. Donc il y a eu un appui moral du club. Mais à aucun moment on a pu financer. Mais il y a tellement de choses complexes à mettre en place. Idem pour Radio Lescure, il y avait beaucoup de choses à mettre en place. Donc on est obligé, et avec plaisir encore une fois, de collaborer avec le club. Et ça se passe très bien et les choses sont bien rodées depuis très longtemps. Moi, j'ai une question un peu plus bateau, on va dire. À Lescure, sur les grands événements, il y avait des tifos qui représentaient tout le stade. Est-ce que c'est possible aujourd'hui, sur le nouveau stade, de réaliser un tifo, une fresque représentant le stade? Techniquement, c'est possible. Financièrement, déjà, ça représente quelque chose d'énorme à l'heure actuelle. Et puis, est-ce que ça en a vraiment l'utilité, sachant que pour faire un tifo sur tout le stade, il faut qu'il y ait des gens à chaque siège. Donc, c'est même pas plein pour Bordeaux-Marseille. Oui, non, mais c'est une question. Donc du coup, non, ouais, mais on y a déjà pensé. Ça se trouve, on vous dit ça, mais dimanche, c'est surtout le stade. Et on fait style là, mais parce que surprise. Et ouais. C'est arrivé combien de fois? On l'a fait pour Radio Lescure. On l'a fait pour les 20 ans. Le Bayern. Et on l'a fait pour les 20 ans. Les 10 ans de 4 fois. 10 ans du CVS. 4 fois. Mais c'est clair que Lescure était. Pour Bordeaux Milan. Oui, 4 fois. L'Escure permettait ça d'une manière beaucoup plus facile. Là c'est on a quand même pris en volume, quoi. Donc financièrement parlant, encore une fois, les 4 tifos dont on vient de vous parler, ils étaient autofinancés. Et on n'accepterait pas de l'argent qui ne vienne pas directement de notre organisation. D'ailleurs, donc compliqué d'organiser un tifo sur tout le stade. Et à ce niveau-là, vous parlez de financement, est-ce que vous avez reçu ou vous auriez aimé recevoir par exemple, un financement du club ou de la part des joueurs qui auraient pu aider? Non. Là, à ce moment-là, vous accepteriez pas? Mais non, parce que si tu veux. Juste, je vais le refaire, mais devant les micros, parce que sinon, on vous entend pas. Non. Si tu veux, tu parlais de la relation avec Martin, et on est un peu dans le prolongement de la relation qu'on avait eue avec Trio. C'est que nous, on est les casse-bonbons du club, quoi. On est les casse-couilles. On est tout le temps en train de râler pour un oui ou pour un non. En d'autres termes, on s'estime être les gardiens du temple. Donc, un coup, c'est la mascotte qui nous va pas. Un coup, c'est Pom-Pom Girl. Un coup, c'est le troisième maillot. Un coup, c'est Adieu l'Escure qui est programmé un dimanche à 14h. Un coup, il y a des choses qui vont pas pour l'adieu d'un joueur, par exemple Carasso. Enfin, il se passe pas une année sans qu'à un moment donné, il y ait des frictions. Toujours avec respect, mais il y a toujours des frictions parce que chacun défend ses intérêts qu'il croit être les meilleurs. Les deux parties estiment être dans l'intérêt du club, mais défend aussi parfois ses intérêts. Par exemple, à Dieu l'Escure, il y avait 1,5 million d'euros en jeu. Donc, Trio, il défendait 1,5 million. Nous, on défendait le fait qu'il fallait absolument... Voilà. Donc, si tu commences à accepter de l'argent... Tu peux plus, t'es plus crédible après. Je dis, attends, t'es gentil, on t'a filé 30 000 euros pour aller te déplacer pour 20 balles, je sais pas où. Donc t'es gentil. Voilà, t'es pas crédible. Là, comme on est redevable de rien, on a une vraie place dans le club et à partir de là, on peut défendre les causes qui nous semblent justes. Vous parlez de taux de remplissage. Quand on choisit Marseille, on sait que le match, en plus de votre anniversaire, a son importance. Je veux dire, là, vous en rajoutez une couche d'importance. Je veux pas porter la poisse, mais je me souviens des 25 ans contre Lyon. Et non, les 25 ans, c'était contre Marseille. C'était il y a 5 ans. Les 25 ans, c'était il y a 5 ans, c'était contre Lyon. C'était contre Marseille. Mes excuses, c'était les 20 ans. Putain, oui, le temps passe très vite. Ouais. Où ça n'avait pas forcément été... on s'était fait défoncer, on avait perdu 3-1. Dans le temps actuel, est-ce qu'on se pose la question de la date Marseille à cause justement de cette des 40 ans ou pas du tout? Non, pas du tout. Pas du tout. On n'a aucun doute sur le résultat. Ouais, complètement. Et en plus, quand on a choisi Marseille, on a aussi choisi Marseille par rapport à la date à laquelle ça tombait dans le calendrier, par rapport à nos 25 ans. Parce qu'on ne fait pas les choses pour rien. Donc du coup, 5 ans après, ça correspondait à peu près pile poil à 5 ans. Et en plus, on s'est dit, justement, on préfère un match avec on préfère un match avec de l'enjeu, où il y a quelque chose à défendre en plus. Et effectivement, là, il y a notre anniversaire et nos 30 ans en plus. Mais au début de la saison, on n'avait en plus aucune raison d'être inquiet quand même. Hein. Alors, on en reparlera dans deuxième heure, Alex. Spécifique, tu veux en venir à... Non, mais c'est juste pour dire, au début de la saison, est-ce qu'on avait des raisons d'être inquiet du fait que on allait jouer Bordeaux-Marseille en novembre? Qu'est-ce qu'on aurait dû se dire au début de la saison? Au début de la saison, non. Après, on y reviendra en deuxième heure. Quand les dates des tifos, on les choisit à l'avance, hein, c'est pour ça que c'est ça. Il nous fallait la garantie d'un taux de remplissage suffisant. Exactement. Alors, quand vous parlez, prenez le micro des PSE, je vous assure, c'est pas pour vous faire chier, mais on vous entend pas. Il nous fallait la garantie d'un taux de remplissage suffisant pour réaliser ce tifo. Et donc il n'y avait pas 36 solutions. Parce qu'après Paris et Lyon, c'est en deuxième partie de saison. Donc c'était en 2018 et il n'y a rien qui collait. Du coup, ça faisait 31 ans. Ouais. Et puis il fallait le temps suffisant pour la préparation, le financement et voilà. En même temps, on ne peut pas donner de leçons. Nous, on fait nos 5 ans, on a 8 ans. Donc tu vois. Et tout à l'heure, Sébastien, tu rigolais quand Julien et Florian disaient que certaines personnes avaient dormi au tifo. Du coup, Sais qui c'est. Que ce jeu non, mais ça me du coup, je voulais préciser à chaque auditeur que il y a des personnes, c'est pas une blague, hein. Qu'il y a personnes qui sont restées 96 heures d'affilée au tifo, et une personne qui détient le record qui est restée 120 heures d'affilée au tifo. Elle n'est pas sortie de l'enceinte du tifo pendant 120 heures d'affilée. Voilà. Encore une fois, il faut vraiment féliciter tous les travailleurs de l'ombre, tous ceux. J'en profite. Hein, voilà, vu que tu rigolais un peu par rapport à ça, mais je sais que c'est gentil. Voilà, c'est ça. Mais c'est pour le dire. C'est important de Nous, on vient à la radio, voilà, on est les meneurs, on fait du tifo aussi, je te le dis. Hein, nous, on est aussi là dans le travail, mais il faut féliciter tous les travailleurs du groupe et de l'ombre qui, voilà, qui viennent pas à la radio, mais qui étaient là pour peindre pendant tout ce temps-là, qui étaient là pour voilà, s'occuper des feuilles, s'occuper de ci, s'occuper de là. Il y a beaucoup de gens qui prennent justement sur leur temps d'études, bon, parce que voilà, il y a beaucoup, beaucoup de jeunes d'études ou de travail ou d'autres choses, mais oui, vas-y. Donc, c'est pas, voilà, c'est pas juste, c'est vrai qu'on a souvent l'habitude. Et à juste titre de voir que ce soit vous, Flo, voilà, Manchi, Skunk. Mais il y a aussi plein de gens qu'on voit pas et qu'on connaît pas, enfin qu'on connaît, mais que le grand public ne connaît pas, mais sans qui groupe, malheureusement le groupe, voilà, la vie, et pas seulement des tifos, la vie du groupe en général, la vie du groupe au quotidien, comme les gens du virage ou comme chaque supporter des Girondins. Qui... Oui, parce que la vie au quotidien du groupe, c'est ce qui fait aussi que, bah voilà, que... On en a touché deux mots tout à l'heure. Il y a le directoire qui est là pour donner les grandes lignes au groupe. Et après, ces grandes lignes, elles sont appliquées au quotidien par les travailleurs de l'ombre, par ceux qui sont là au quotidien. Alors, la vie d'Ultra, tu la vis différemment, suivant ton âge. Quand tu es jeune, et 18-25 ans, c'est là où tu es... voilà, ta vie pro et ta vie perso, c'est pas tout à fait ça. Donc, t'es à 400%, t'es là au quotidien. Et après, avec l'âge, t'es toujours à 400% dans le groupe, mais t'apportes le besoin quand tu peux, d'une manière différente, etc. Les anciens, on est tous passés au tifo, mais c'est sûr qu'on n'est pas resté 120 heures d'affilée. Mais bon, voilà, comme Thibaut a dit, nous, aujourd'hui ou demain, samedi, il y en a qui vont être derrière les micros, devant les caméras. On va voir cela, mais on représente le groupe. Et le groupe, il est constitué de milliers de mains, des travailleurs d'ombre qu'on voit pas, hein, tout le temps au stade, qui sont là devant nous, qui chantent, qui sont là en déplacement. Et tout ça, nous les félicite au quotidien, voilà, à travers nos réunions, etc. Et c'est leur rêve. C'est le rêve de tout Ultra, et eux, ils l'ont mis en application, et on les félicite, on est fiers d'eux, quoi. Moi, j'ai une question. Enfin, sur le 30 ans, c'est début de l'année, c'est un nouveau logo, c'est aussi, moi, je me souviens de comment on appelle ça, de petites cartes postales, d'écharpes, tout ça. Est-ce que ça suffit financièrement à financer ce jour-là? Il y a aussi le déplacement à Amiens qui s'est passé au Havre. Alors, pour le financement, déjà, il faut se dire quelque chose, c'est que quand on dit que vraiment on voit notre vie en tant que groupe à long terme et dans le futur, c'est la vérité, parce que notre groupe, à partir du moment donné où il arrête de fêter son anniversaire, donc là, on va fêter nos 30 ans, après le match de Marseille, on ouvre le compte des 35 ans, sur lequel on met 10% de la recette de chacune de nos tables de vente. Vous savez qu'on vend donc des écharpes, des t-shirts dans une guérite au stade. De ce bénéfice-là, on réalise nos animations avec, on prend 10% de chaque table, on les met sur un compte qui finance l'anniversaire 5 ans après. Ce compte, il est alimenté depuis nos 25 ans, depuis le match d'après Bordeaux-Marseille d'il y a 5 ans. On a commencé à l'alimenter. C'est le premier gros pan de financement de ce tifo-là. On va dire que c'est à 75% ce compte-là qui viendra financer. Après, c'est pendant cette année, on a réalisé du bénéfice, les quêtes auxquelles vous avez assisté dans le virage, la vente de matériel et la quête en ligne. Et le logo, moi c'est quelque chose qui m'intéresse, ce logo avec une tête un petit peu à l'ancienne et tout ça. Est-ce que c'est une idée que vous avez eue longtemps à l'avance ou En fait, ce logo-là, c'est un ancien logo du groupe qui est inspiré d'un groupe de musique, des Toy Dolls. C'est un groupe de punk. Donc, oui, qui était, enfin, allez, je me souviens de ça. C'était pour ceux qui étaient dans les années 90. Il y avait beaucoup de ce logo-là dans le virage, quoi. Ouais, exactement. Donc, vu qu'on l'a, ça faisait un petit moment qu'on l'avait pas utilisé dans la vie du groupe, on s'est dit pourquoi pas le ressortir. Et du coup, après, on s'est dit qu'il fallait qu'il y ait un énorme 30. Pour vraiment que ça saute aux yeux direct. Franchement, il pète. Et on l'a travaillé je sais pas, on l'a sorti pour Clermont la première fois, donc on l'a travaillé 2-3 mois avant, on s'est vu plusieurs fois, on a modifié ce qui allait pas, les couleurs, pour bien que ça ressorte, et on l'a sorti sur les premiers gadgets et sur le déplacement à Clermont en Coupe de France en janvier. Et sur le logo des 30 ans, du coup, comme disait Castillon, c'est le logo du groupe de punk des Toy Dolls qu'on a remasterisé parce qu'on l'avait déjà utilisé. Et donc voilà, on lui a mis une petite touche personnelle pour les 30 ans, en plus. Justement, c'est un logo qu'il y avait dans les années 90. Il me semble que vous êtes les plus jeunes par rapport à Florian et par rapport à Julien. Qu'est-ce que vous retenez de ces années-là? Est-ce que déjà vous étiez au Virachi de à cette époque-là? Personnel, on fait, on va jouer un jeu. À ton avis, en quelle année je suis né? Honnêtement, j'ai aucune idée de ton âge. Je suis né la même année que les Devils. Voilà, disons qu'il est beaucoup plus jeune que toi et moi. Ah oui, je suis né la même année que les Devils en 1990. Donc j'ai 27 ans. Et toi? Eh bien, moi, 30 pareil. Ans. 30 et 87. Voilà. Exactement. Est-ce que quand on prépare alors évidemment je connais la réponse, mais pour les gens qui ne le savent pas, quand on prépare un tifo comme ça, au moment où on se dit voilà, qu'est-ce qu'on fait pour nos 30 ans, est-ce qu'on cherche à faire mieux, plus grand, plus gros, plus machin, tout ce que tu veux, que les 25 ans, ou est-ce qu'on se dit pas besoin de faire un truc de malade mais efficace? Parce qu'il y a deux écoles. Le problème, c'est que si on commence à répondre à cette question dans le détail, tu vois ce que je veux dire, honnêtement, Seb, je pourrais te répondre à cette question hyper précisément, parce que cette question, on vise quelque chose de très particulier. On pourrait te répondre hyper précisément. Mais tu sais, comme il disait Florian, dans les délires artistiques et tout, tu vois, on vise quelque chose vraiment précis. On pourrait te répondre. Le problème, c'est que si on te répond, on sous-entend trop de choses. C'est pour ça que je te dis, Sébastien. Je te dis que Canal à 21h, ça, dimanche soir, il va y avoir du monde devant. Déjà, pour la réalisation du Tifo, ce qu'il faut savoir, c'est que on s'est réunis il y a un an et demi. La cellule Tifo, et là les premières réunions, ça part dans tous les sens, on aborde des dizaines et des dizaines d'idées, ça part des trucs infaisables à des trucs bateaux, donc on note tout, et après au fil du temps des réunions on déduit et on arrive à un projet global qui est, le but c'est qu'il soit ficelé avec une cohérence, et vu que là c'est un anniversaire, faut que ça représente le groupe, le club, la vie, enfin un peu au niveau national même, non? Comment? J'imagine qu'au niveau national, ça a une portée. Parce que moi, j'ai une image sur le Adieu Lescure, comment on a poutré les Lyonnais. Après, on fait pas le tifo par rapport oui, à forcément. Non, est-ce qu'il y a un message aussi qui est donné en même temps sur l'artistique d'un groupe? Franchement, le niveau des autres groupes français en tifo, on s'en préoccupe pas. On regarde ce qu'ils font. Mais on s'en préoccupe pas plus que ça. On sait la qualité et le style de nos tifos sans aucune prétention. C'est pas, il y a pas de prétention. Justement, je vais dire un truc. Faut pas se dire qu'on est les meilleurs, parce que sinon après on se dépasse plus. Faut toujours se dire qu'il y a quelqu'un qui est meilleur que nous. Et en plus, en Europe, avec la passion qu'il y a, et voilà, Pierre, Florian et Julien, même si vous, voilà, si vous suivez un peu le mouvement, même dans le monde que vous regardez, il y a des choses. C'est où il y a des pays où il y a tellement de passion qu'il y a des choses qui sont beaucoup plus faciles à faire et à réaliser, des animations gigantesques. Franchement, tu sais quoi, je pense aux Marocains. Rien que, mais tu regardes. Mais c'est pas qu'on peut pas faire la même chose qu'eux, c'est juste que c'est pas pareil, ça sera jamais pareil. Voilà, du coup. Justement, ça c'est une question que je veux vous poser. Quand on fait un tifo, est-ce que la part ferveur, mais c'est pas vraiment le bon mot, rentre en compte? C'est-à-dire, est-ce qu'on se dit ça c'est trop compliqué pour que le virage arrive à le faire? Non, parce que maintenant avec le temps, on en reparlait, par exemple je vais vous donner un exemple, les 25 ans, notre tifo pour les 25 ans, il y avait un retourné de carton, donc c'était des ronds en carton avec un logo d'un côté, un logo de l'autre, et il fallait retourner les cartons, sachant qu'en fait c'était, donc il y avait 4 logos différents dans le virage qui se retournaient et qui montraient 4 autres logos, donc c'est quand même un peu technique. On était hésitant, on avait des doutes sur le fait que ça se réalise bien. Franchement, ça s'est super bien réalisé. Adieu Lescure, pareil. Faut quand même se dire qu'à Adieu Lescure, on réussit à faire lever des drapeaux sur tout un stade, etc. Voilà, les gens, ils ont envie de participer avec le temps et avec l'expérience, on a aussi pris peut-être confiance dans ce qu'on faisait, dans le fait que les gens ils sont réceptifs. Et alors je te dis ça parce que quand tu regardes ce qui se fait notamment à l'étranger, j'ai l'impression qu'en France c'est juste impossible. Plusieurs animations, ne serait-ce que sur le comportement humain. J'ai l'impression que quand Laurent dit donne une consigne au virage, elle est à moitié écoutée, si en plus elle a entendu. Et je me dis, il y a des choses qui sont impossibles à faire. Quand on voit ce que, je parlais des Marocains, mais ce que font les Japonais ou les Chinois dans leur stade, ouais, ils ont une telle rigueur que ça leur donne certaines possibilités. Moi, je regarde et oui, mais de base, tu vois, je vais dire un truc. Nous, on est amis avec deux groupes allemands. Donc, les Deviants de Münster et la Schikaneder de Munich. C'était donc les Allemands. Ils sont connus pour leur rigueur. Ah bah t'es. Tu vas dans l'Allemagne, dans toutes les tribunes allemandes, il y a de la rigueur. Ouais. Mais dans toutes les tribunes allemandes, quand il y a un but, ils savent pas ce que c'est une descente. Alors que nous en France, quand il y a un but, on sait ce que mais c'est une descente. Tu vois, tu vois ce que je veux dire? En fait, c'est une différence par rapport comment sont les peuples, même eux-mêmes. Genre, comment sont les Latins ou comment sont les Germains? Tu vois, les Italiens, c'est tout le temps le bordel. Les Espagnols, ça dépend. Mais tu vois ce que je veux dire? Nous, les Français, évidemment, il y a beaucoup moins de rigueur que dans d'autres pays. Tu vas en Pologne, tu vas en Allemagne, c'est hyper rigoureux, vachement carré, vachement droit. Mais il y a d'autres aspects où nous, on sera meilleurs, où on aura un côté un peu plus fou, un peu plus spontané. Tu vois, des fois, peut-être que nous, c'est ce qu'on se dit sur le mouvement germain. Et d'ailleurs, c'est exactement ça. Nous, voilà, nos amitiés. Hein. Nous, on est capable de parler de nos forces et aussi de nos faiblesses, parce que c'est comme ça que tu deviens meilleur. Et oui, évidemment, nous, même notre tribune, j'aimerais des fois qu'elle soit beaucoup plus droite et carrée, que les gens écoutent plus les consignes à la sono, effectivement, parce que même ça serait plus facile. Moi, j'ai un exemple qui me vient en tête, vous savez très bien de quoi je vais parler. C'était quand les 20 ans, les 20, 20 ans, 25 ans des Magic, il y a quand 2 ans, 2 ou 3 ans. Les 25 ans des Magic, c'était l'année dernière. Ouais, l'année dernière. L'année dernière, ouais. Avec ouais. Le Tifo où ils en font 6 ou 7 en. Ouais, le ouais. Qui défile. Moi, après, peut-être je me trompe, mais je suis persuadé que c'est trop le boxon dans cette. Enfin, moi, quand je vois les gens autour de moi au virage, vous les voyez aussi. Hein? Quand vous les. Je sais pas, moi je me dis à Bordeaux, des fois c'est trop le souk. Je sais pas comment vous le ressentez en bas depuis le. Bon, personnellement. Avec le micro ou le méga pour. Je trouve que la tribune, elle arrive de mieux en mieux. Elle est de mieux en mieux éduquée. Au fois, Tifo, je ressens. N'importe quoi, comme il disait, tu leur dis fais ça, ils font oui, ça. Oui, mais. Tu leur dis jette pas ça, ils le jettent. Tu vois. Non, ça va, les rendus par eux-mêmes. Je vais te donner un contre-exemple, après je laisse la parole à Flo. Bordeaux-Lyon. L'année dernière. Oui. Chasuble. Oui. À 1 méga une sono. Ah oui, chasuble bleu. À 1 méga une sono, personne dans les escaliers. Les gens, ils ont été hyper réceptifs. Les 5 blocs sont pleins. Parce qu'en fait, c'était ça le défi. Qu'il y ait personne dans les escaliers pour que les blocs soient pleins. Et étant donné que le virage du centre exerce une attractivité plus forte que mais celle de la gens terre, sont sur les gens côtés se rapprochent. On ne peut pas lutter contre ça. Du coup, les gens, ils sont. Ben c'est pour ça que les escaliers sont pleins, c'est que les gens sur le côté. Il y a quand même une vraie culture tifo à Bordeaux. Voilà, je veux dire, il faut quand même pas oublier que le virage sud a été novateur très très tôt et imaginatif. Au début des années 90, on était les premiers quasiment à faire des retournées de feuilles. Premier retourné de feuilles, c'était Milan en 95. À cette époque-là, personne n'en faisait. Tu peux dire que le CVS est le premier groupe français à avoir sorti un voile, une voile géante avec écrit quelque chose dessus. On est le premier virage français à l'avoir non, fait. Mais depuis toujours, les ultras de Bordeaux ont été, si ce n'est en avance, au moins parmi les plus rapides en termes de créativité, d'ingéniosité, en termes de tifo. La tribune a une vraie culture tifo. Le tifo poudre récemment, on l'a vu à l'Escurie contre Saint-Étienne. Qui a fait le tour et le tour de tout ce qui compte de médias européens, et je crois même qu'on a retrouvé des trucs aux États-Unis. Je sais pas si vous avez vu ça. Dans une tribune au virage sud à l'Escure, est très compliqué pour réaliser et mettre en place. Pas aidé par le stade. Voilà. La configuration du stade était. Faut voir ce qu'on fait contre Prague. Hein. Prague, il y avait pas de siège. Il y avait à l'époque, c'était le. Voilà, on avait mis des piquets. On avait quand même dessiné tous les drapeaux des clubs, des pays, des clubs qui avaient participé à. Comment ça s'appelait à l'époque? À l'épopée. De l'Intertoto. La Coupe de l'UEFA. Et c'était vachement imaginatif et ça avait demandé un travail technique très très organisé. À l'époque, personne ne faisait ça ou quasiment pas. Il y avait deux, trois autres tribunes à peine qui arrivaient à faire ça en France. Ce stade est mieux pour les tifos. Ah, quand on réfléchit, quand on essaie d'y penser. Parce qu'au final, j'ai souvent vu, en plus pour être pile dessous, quand les voiles tombent, que ça puisse lâcher. On a été très, très favorable à ce stade pour plusieurs raisons bien précises. Et par rapport à ces raisons bien précises, on n'est pas déçus. On n'a jamais freiné ce projet, on était même partisans, même si c'était un déchirement qui était l'escure, c'est au niveau de la puissance vocale et au niveau des tifos. Sur ces deux aspects-là, il est clair que le groupe et la tribune ont pris une ampleur qu'on n'avait pas à l'escure. Bon, ça serait bien que le stade soit un peu plus rempli, mais aujourd'hui, la place de la tribune populaire à Galice est énorme. Que serait Galice sans le virage sud? Les deux seuls petits problèmes de ce virage, ça serait la hauteur entre les deux étages. Et après, sur les autres tribunes, ces loges qu'ils ont mis entre les deux tribunes, qui, je trouve, gâchent un peu. C'est vrai que les terrasses qu'il y a entre la... Ouais, je trouve que c'est... Ça... Moi, perso, je trouve ça aussi que ça casse déjà le visuel. À la télé, déjà, ça... Oui, ça a un très mauvais visuel. Surtout après... quand le stade est clairsemé. Je dois t'avouer que je suis pas assez riche, mais le concert des Guns, je l'aurais bien fait en terrasse. Après, c'est toujours pareil. Le stade n'a pas été conçu aussi peu pour faire du foot. J'ai une question pour... Ah ouais, t'es encore là, toi? Oui, je suis toujours là. Et sans déconner, Thibaut, Enzo, je vous vois pas. Moi, je trouve depuis le début de l'émission. Il y a un problème dans le stade. Faites-vous plaisir. C'est qu'il y a le problème avec ce stade. Hein. Alors, par contre, c'est très bien pour les tifos. Et sérieux, mais ce soir, il est marabouté, le studio, mon gars. Jamais il tombe, donc, les micros. Jamais, ça n'arrive jamais. Et là, ce soir. Après, il bouge pas autant aussi, on n'est pas autant. Hein. Du coup, Florian, Pierre, ils ont entièrement raison sur la puissance vocale, tifo, etc. Inclinaison, franchement, ça c'est. Et le toit a aidé quand même. Non, quelque chose, mais sur lequel on a déjà alerté le club et sur lequel je pense qu'ils ont commencé à travailler, c'est la décoration du stade. Parce que notre stade est entièrement gris. Il n'y a pas une seule couleur, les sièges sont gris. Ça c'est quelque chose. Oui, il en a parlé récemment parce que ça fait 2-3 réunions quand on le voit, qu'on lui en parle, parce que c'est quelque chose qui, de la même manière que les pop-up girls, parce que c'est ce que disait Florian, parce qu'on rigole, mais on rigole. Mais quand on en parle avec le club, on rigole pas du tout. Et du coup, les sièges et la décoration du stade, etc., qui est un stade un peu. C'est ce qu'on leur dit, on aimerait bien une épopée naître, européenne, pour qu'il y ait une âme dans le stade. Tu vois l'exemple, moi, alors après, on aime ou on n'aime pas. Rennes, Roazhon Park. Tu mets un gars qui n'y connaît rien au football, tu le mets dans le stade de Rennes, tu lui dis, voilà, dis-moi dans quelle ville, de quel club de football tu es. Et il va te dire de suite, Stade Rennais, parce qu'il y a du rouge, du noir, des logos, des machins, des trucs. Tu le mets à Bordeaux, tu lui dis, voilà. Dans quelle ville tu penses être, de quel club de football tu penses être? Le mec, je sais pas s'il va te répondre. Parce qu'à part les pubs, Matmut, il y a quoi? Le bandeau pub là, qui est sur le balcon, qui est marine et blanc, t'as Wallou? T'as rien? Alors, ok, le stade appartient pas au club. Enfin, quand même, c'est merde. Les jours de match, je fais un effort, quoi. Je sais pas, mais j'en sais rien, moi, au moins des bandes. Ne serait-ce que sur les balcons, tu sais, les parapets, là, mais au moins du marine et blanc, j'en sais rien. C'est un des messages majeurs. C'est un des messages majeurs qu'on fait continuellement passer. Apparemment, il y a des freins, pour l'instant, qu'on n'arrive pas à contourner, mais c'est un message perpétuel qu'on fait. Mais des freins qui sont où? Côté club ou côté SBA? Non, côté pro. Oui, bien sûr, côté propriété. C'est quoi qui les dérange? C'est de se dire que si jamais ils reçoivent la Jamaïque contre le Brésil, ils vont devoir changer la couleur des sièges ou... C'est pas, avec tout le respect qu'on a pour eux, parce qu'on est, on travaille avec eux, c'est pas toujours simple, quoi, de travailler avec SBA, et pour le club, ça doit pas toujours être simple non plus. Il y a des énormes intérêts financiers derrière, il y a un stade à rembourser. SBA est chargé de sa rentabilité. Non, effectivement, parmi les accords entre le club et SBA, il y a cet accord-là que le stade doit rester neutre. Donc nous, on essaye de participer à une pression. Carrément, c'est un accord. Dans le truc, le stade, il doit rester neutre. Déjà, le stade, il appartient pas au club. Donc à partir du moment donné où le stade, il appartient pas au club, à un moment donné, je crois, dans 30 ans. Voilà, c'est ça. Il y a des villes, les enfants. On a suffisamment, et vous avez fait suffisamment de stades pour parler que de la France. Il y a des clubs de foot qui ne sont pas propriétaires de leur stade. Et à qui ça pose pas de problème de mettre un peu de couleur du club. Mais à l'époque, on pouvait voir à l'escure que les Girondins avaient mis un peu de couleur au niveau des sièges. Mais c'est les anciens stades, les nouveaux stades qui ont été construits, notamment pour l'Euro. Je pense que Lille, le stade est neutre aussi. Bordeaux et Neuf. Un peu de rouge, non? C'est pas un peu de siège, non, non, c'est juste à l'intérieur. C'est juste Lyon, parce que leur bah, Lyon, c'est ça, eux. Oui, Lyon, ça leur appartient, ça. Donc, c'est compliqué. Les Girondins doivent rendre le stade dans l'état où ils l'ont trouvé en arrière. Où ils l'ont le vendredi pour les matchs du samedi, doivent le rendre le dimanche dans le même état. Donc c'est compliqué. Donc on leur propose des solutions. Ils essayent de trouver une solution. Ouais, je me doute, mais c'est compliqué. Ouais, on veut vraiment. Ouais. À chaque réunion, ça revient sur le tapis. Parce qu'on en a marre. On y travaille. Voilà. Surtout, comme disait Pierre tout à l'heure, quand le stade est alors moitié vide ou moitié plein, ça dépend dans quel sens on le voit, mais c'est vrai que même visuellement à la télé. Ouais. Tu es dans la merde, la tanasse, quoi, sans déconner. Et pour en revenir à ce que tu disais sur le fait de mettre quelqu'un à l'intérieur du stade et qu'il ne serait pas pour dans quelle ville il est, je te ferai remarquer. C'est même, un exemple. Hein. Ouais, mais je te ferai remarquer même que si t'enlèves nos bâches un jour de match, bah tu sais pas. Oui, oui, non, mais c'est exact. Oui, oui, c'est ça. Moi, tu vois, t'es allé plus loin que moi. Je pensais même pas aux bâches. Moi, je te disais, genre, c'est... le gars, un mardi à 14h, tu le mets au milieu. Tu vois, ça, c'est une réflexion qu'on leur a déjà faite. C'est ça. Et je trouve ça un peu triste quand même, parce que le stade il est pas au club. Bah oui. Mais bon, c'est triste de. Ah oui, non mais oui. Stade de ah oui. Ah oui. C'est dommage parce qu'il y a moyen de faire un bon délire. Oui. Moi j'avais une autre question, c'était pour revenir à ce qu'a dit Thibaut tout à l'heure par rapport aux amitiés allemandes. Pour ceux qui savent pas, est-ce que vous pouvez en parler des amitiés, est-ce qu'elles seront présentes, etc. Dimanche, toutes nos amitiés seront présentes. Les cinq, Desiri Norte, les Boys Parma, les Magic Fan, la Chicaria et les Deviants. Pour revenir avec sur les amitiés allemandes. Qu'on t'explique les deux amitiés. Ça non, fait... En fait, surtout pour expliquer aux gens, enfin, en quoi ça concerne, enfin, à quoi ça consiste pendant les amitiés. Et juste pour, c'était pour dire qu'ils étaient présents quoi pour le match. Donc la première amitié avec qui est la plus forte et qui sera toujours la plus historique, c'est celle avec les Magic Fans de Saint-Etienne. Donc celle-là, on va pas revenir dessus parce que je pense que voilà, celle-là, elle est ancrée dans le virage, dans l'histoire de nos groupes. Et de nos deux virages. Celle des Boys Parma, elle est redevenue d'actualité parce que ça fait suite aux Devils, c'est notamment la section Haute-Savoie qui a toujours gardé les liens. Donc ils sont redevenus intenses il y a quelques mois. Oui, quelques années. Donc ils sont venus plusieurs fois en déplacement avec nous. On a été pour leur derby, pour un match en série D aussi contre Rennes. J'allais dire Parme maintenant qui est descendu dans les malheureusement dans les bas-fonds et qui est quatrième de série B. Donc voilà, qui joue demain d'ailleurs et qui vont après enchaîner à venir sur Bordeaux directement en véhicule. Et donc après avec les Allemands, d'ailleurs ce week-end ça fera 5 ans officiellement qu'on sera amis avec autant la Chicaria que les Deviants. Parce qu'il y a 5 ans, les Deviants et la Chicaria posaient officiellement leur bâche, donc vu que c'est très important dans le mouvement ultra quand on se déplace avec ou sans sa bâche, donc posaient officiellement leur bâche sur celle de notre groupe, donc au virage sud donc, du parc Lescure à l'époque. Donc voilà, comme disait... Pierre, ça fera 5 ans exactement du coup pour revenir sur les amitiés de manière plus globale. Et donc pour les Magic Fans, les Erin Orte, les Boys Parma et donc les Deviants et la Chicaria, c'est un échange mutuel entre gens qui partagent les mêmes valeurs, les mêmes centres d'intérêt, qui défendent la même vision du mouvement ultra, parce que tout le monde n'a pas la même vision du mouvement ultra. Donc qui défendent cette même vision du mouvement ultra, la même vision de cette manière de supporter. Et puis voilà, c'est tout simplement une amitié, hein. On n'explique pas aux gens comment on est ami avec une autre personne. Et donc voilà, c'est une amitié entre groupes et une amitié entre membres avec de nombreux échanges, parce qu'il y a on les rencontre et ils viennent pour des matchs, à l'occasion des matchs, mais on les rencontre. Et ils viennent aussi en dehors. Pour les tournois, pour les concerts. Ça fait toujours bizarre aussi de voir le maillot, le drapeau MDSUB quand tu le vois, l'Allianz Riviera quand même. Et on peut même en rajouter. C'est plutôt cool. Non, l'Allianz Arena. Non, Riviera, c'est à Nice. Ah bah tiens, juste. T'inquiète, Julien, je t'ai vu. Juste par rapport aux amitiés, on peut même rajouter que l'amitié avec Saint-Etienne est très forte. parce que ça a même créé des familles oui. Qui ont mis des enfants au monde. Donc, y a, les gens ne savent forcément pas, mais il y a eu oui, des familles de créer grâce à ça. Voilà. Juste une parenthèse, Thibaut, tu parlais de Nice. Nice-Bordeaux a été programmé ce soir, à votre avis ? Dimanche à 17h. Dimanche à 17h. Dimanche à 17h. Un point pour le jeune homme en t-shirt. Ouais, mais il est encore une fois. Ah, vous l'avez déjà vu ? Une ouais, programmation. Ouais, qui... bah, se farcir 900 bornes un dimanche, ouais, ça va être sympa. Sachant qu'il y a Dijon vendredi. Dijon un vendredi, oui. Dijon un vendredi. Il y a 4 bus ultramarines annoncés sur Dijon. Il y a Toulouse aussi en Coupe de la Ligue à 18h. La dernière question avant la pause, tout simplement, j'ai pour souvenir le dernier tifo sur Marseille avec Bienvenue dans notre Bureau de Galaxy ou un truc de style. Exactement, vous entrez dans la Bureau de Galaxy. Merci. Avec le cosmonaute, la fumée, etc. Pour réaliser le tifo des 30 ans, vous aviez fumé exactement la même chose ou pas? Parce que c'est quand même c'est Skunk qui nous avait elle était encore meilleure. Il vous avait expliqué Birdy Galaxy. Mais il a au micro, mais quand il avait expliqué au stade, il avait un petit peu sous-entendu que c'était parti loin. Non, en vrai, c'est pas vrai, c'est pas parti loin. Non, bien sûr. Moi qui ai eu l'idée, je te le dis, j'ai eu l'idée comme ça, Birdy Galaxy. Avec le cosmonaute, la fumée. Non, ça, en fait, ça. Le cosmonaute et tout, l'idée, elle est venue justement. On dit, c'est ce qui se greffe autour de l'idée générale. On dit, on est une équipe Tifo, et justement, cette équipe Tifo, quand je leur dis ça, après, ben, tout le monde vient greffer ses idées, vient dire, ah, on pourrait faire ça, on pourrait faire ça, on pourrait faire ça, et de là, vient la finalité. C'est original, hein, comme. Non, c'est toujours le but, de toute façon. C'était drôle en plus, donc c'est vraiment sympa. Bien, 22h03. On a 3 minutes de retard, mais c'est pas grave, c'est vendredi. On fait la pause, on se retrouve. Vous êtes là pour deuxième heure ? Parce que deuxième heure, ça va parler un petit peu ballon quand même. Ouais, je sens que tu. Ça va parler analyse. Julien, je t'attends depuis. assez longtemps sur ce terrain. Tu rentres en scène. Allez, ouais, ça va être ton moment. Ouais. Allez, on fait la pause, on se retrouve dans quelques minutes dans Gironde Analyse RIG 90.7 FM, RIGFM.fr. A tout de suite. Gironde Info, partie de votre vie. Dites sur Gironde Analyse tout ce que vous pensez, en bien, en mal, et soutenez toujours les Girondins.